Addis Abeba vient de prouver que nos frères africains de tous les pays indépendants sentent et souffrent avec nous notre situation. S'il y avait quelques doutes dans l'esprit de quelques nationalistes, les résultats de la conférence auront effacé ces doutes complètement. Nous espérons que les résolutions prises, les décisions prises seront menées ou mises en pratique et que bientôt nous pourrons, avec l'aide de nos frères africains, éliminer complètement la domination coloniale dans nos pays, soit dans les pays dominés par le Portugal, soit dans les autres encore sous domination. En ces années-là, le contexte international est bien évidemment celui de la guerre froide et du non-alignement dont la conférence de Bandung avait jeté les bases en 1955 et que viendra préciser en 1964, un an après Addis Abeba, le sommet du Caire auquel participent 48 pays. C'est dans ce climat qu'il nous faut analyser les relations d'un certain nombre de groupements régionaux avec la toute nouvelle OUA. 3 mois après la conférence constitutive, voilà ce que pense des relations de l'Union africaine et malgache avec l'OUA, le président malgache Philibert Tsirane.